خاتوني اصبح توسع ويا بزنت التومبي اصمو مصير ويا J'aurais aimé avoir ton cœur pour savoir ce que t'as dans le cœur. La mise verna n'est pas peur, on a des couilles, des glocks, de la rancœur. Mon pote est genouné, va te voir cabourer. Ce soir j'ai tourné, nous aimes, faut que tu payes ta tournée. Moi toute ma vie j'ai traîné, ce soir je me mets à rêver. La mise me fait des câlins, je veux voyager sans bouger. Je te paye pas pour tes fesses, ça. Je te paye l'adresse du Hassan. Je baisse le monde ailleurs, ce soir on se taille tout seul. Malheureusement, après 10 années, sort on s'évade donc tout niqué. Je rentre dans la légende, je les mets au piquet. La roue a tourné.